J'ai besoin. Nous avons déjà vu cette expression. Comment dit-on « j'ai besoin de le faire » par exemple? Ho bisogno di farlo. C'est ça. Ho bisogno di farlo. Bon, il y a un petit mot qui a beaucoup d'importance en italien. Un tout petit mot qui est « ne » et qui s'écrit « ne ». Né. C'est l'équivalent de « en ». Et ce qui est drôle, c'est que c'est exactement l'inverse dans les deux langues. « En », « en » en français et « né », « ne » en italien. C'est un bon moyen de mémoriser ce mot, paradoxalement. « Né » occupe la même position que tous les autres pronoms. Par exemple, à la place de « lo », vous mettriez « né ». Si vous vouliez dire, voyons, ah oui, je le veux. Comment diriez-vous ça? Lo voglio. Lo voglio, c'est ça. Et vous le voulez? Lo voglia. Lo vuole, non. Lo vuole. Lo vuole, c'est ça. Maintenant dites, pourquoi ne le voulez-vous pas? Perché non lo vuole? Tout à fait. Perché non lo vuole? Et maintenant, si au lieu de dire « je le veux », vous vouliez dire « j'en veux un », qu'est-ce que ça donnerait? Un, le chiffre 1, se dit « uno », U-N-O. Ne vuole, ne vuo, ne voglio uno. Ne voglio uno, oui. Et comment diriez-vous « je veux en acheter un » ?« Voglio comprarne uno ?» Oui, absolument. « Voglio comprarne uno » parce que je veux l'avoir. « Perché voglio averlo ?» Oui, c'est ça. « Perché voglio averlo ?» Comment diriez-vous maintenant ? Je veux en avoir un. Voglio averno, averne uno. Voglio averne uno, oui. Maintenant, dites, je vais en acheter un maintenant. C'est-à-dire, j'y vais vraiment, j'y m'y rends. Alors, je vais en acheter un maintenant. Vado comprarne. Répétez, s'il vous plaît. Vado comprarne. Il manque quelque chose. Vado. Ah, vado a. Oui, vado a en acheter un maintenant. Comprarne uno ora. Vado a comprarne uno ora. Parce que je dois en avoir un. Perché devo averne uno. Perché devo averne uno? Tout à fait. Comment dit-on j'ai besoin? Ho bisogno di. Ça c'est j'ai besoin de. Mais je vous ai demandé simplement j'ai besoin. Ho bisogno. Ho bisogno, c'est ça. Alors comment diriez-vous j'en ai besoin? Ho bisogno ne. Le « ne » occupe la même position dans la phrase que le « en » français. Donc « ne ho bisogno ». Voilà, « ne ho bisogno », j'en ai besoin. Et si vous vouliez dire le contraire, « je n'en ai pas besoin », par exemple, « je n'en ai pas besoin maintenant », vous pouvez le prendre. Commencez par « je n'en ai pas besoin. Non ne ho bisogno. Oui, maintenant. Ora. Mm-hmm. Vous pouvez le prendre. Può prenderlo. Attention à l'accentuation. Comment dit-on prendre en italien? Prendere. Oui. Et même avec lo à la fin, on insiste toujours sur la même syllabe. Prenderlo. Oui. Può prenderlo. Non ne ho bisogno ora. Può prenderlo. Maintenant, dites-moi, vous pouvez en prendre un, si vous voulez. Può prenderne uno. Bien. Se vuole. Exactement. Può prenderne uno, se vuole. Comment diriez-vous, j'en ai acheté un pour vous? Oh, ne... Non. Ne ho comprato uno per lei? Répétez, s'il vous plaît. Ce n'était pas très clair. Ne ho comprato uno per lei. C'est ça. Ne ho comprato uno per lei. J'en ai acheté un pour vous. Comment diriez-vous maintenant je ne l'ai pas acheté parce que je n'en ai trouvé aucun. Aucun, c'est alcuno. A-L-C-U-N-O. Alcuno. Je ne l'ai pas acheté d'abord. Ça donne quoi? Non l'ho comprato. Bien. Non l'ho comprato. Je ne l'ai pas acheté. Parce que je n'en ai trouvé aucun. Perché non ne ho trovato? Alcuno? Perché non ne ho trovato alcuno? C'est ça, oui. Perché non ne ho trovato alcuno? Comment diriez-vous? Qu'en pensez-vous? Che cosa ne pensa? Tout à fait. Che cosa ne pensa? Che cosa ne pensa? Et j'en ai parlé avec lui. Comment dites-vous ça? Dites d'abord j'en ai parlé. Ne ho parlato? Avec lui. Con lei? Là vous avez dit avec vous ou avec elle. Avec lui ressemble beaucoup au français. Ah, con lui. Ne ho parlato con lui. Voilà. Ne ho parlato con lui. Alors, revenons un peu en arrière. Je vais l'acheter, c'est-à-dire j'y vais pour l'acheter. Se dit? Vado a comprarlo. Vado a comprarlo. Au passé, ça donnerait j'allais l'acheter. Comment dit-on j'allais? Donnez-moi d'abord le verbe aller. Andare. Andare, effectivement. Donc, j'allais. Andevo. Andavo. Andavo, c'est ça, andavo. Et donc, j'allais l'acheter. Andavo comprarlo. Andavo a comprarlo. Bien, c'est ça. Andavo a comprarlo. J'allais l'acheter.